T'as déjà fait le tour de ce qui t'a fait souffrir. Pour le meilleur souvent, récolter que le pire. Quand tu n'as plus la force, ni même le désir. Et tellement chialer, et tellement maudire. Quand on a ras-le-bol de ceux qui font semblant. Qu'avant de parler d'amour, ils te parlent d'argent. Et de regarder partir ceux que t'as protégés toujours. En osant un sourire sur tes chances de retour. L'injustice. La justice, tu la prends comme un poignard au cœur. Quand une femme te quitte, une amitié se meurt. Quand la bonté chez toi n'a jamais eu sa place, non. La justice se vit seule devant sa glace. Force d'être